Bonjour à toi, cher auditeur de CISM. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolène Ruet jusqu'à 4 heures. Bonjour, Crowd! Alors, pour tous ceux et celles qui n'ont jamais écouté l'émission, effectivement, je critique les foules et les plus habitués de l'émission diront « off, elle est toujours dithyrambique, heureuse et comblée par les gens qui l'entourent lorsqu'il y a un spectacle et encore plus lorsqu'il y a de la musique. » En effet, mais ça va être encore le cas cette semaine, parce que j'ai été bien heureuse et à la fois déstabilisée par une foule peut-être que je fréquente peu, soit celle de la musique psychédélique. Et c'était la première édition du festival Distorsion, le tout se passait au Matari Loft. Première visite là-bas et vraiment, j'ai adoré l'endroit. Sinon, il y avait aussi des spectacles à l'ESCO et là, j'ai pas pu être présente à ceux-là. Et sinon, je suis allée au théâtre et oui, je suis allée au théâtre Prospero pour aller voir l'avant-dernière représentation de Trainspotting. Ah, je crois que je l'ai mentionné plein de fois en ondes. Je suis très, très, très fan de Irvin Welsh et c'était une adaptation, oui, québécoise, vu que c'est les textes adaptés de Wajdi Mouamouad. Et voilà, je vous en parle parce que je me voyais pas manquer cette pièce-là du tout. Alors, j'ai bien hâte de vous en jaser, même si, bah, c'est sûr, tu sais, théâtre égale pas « Wow, c'est la folie furieuse, ma chpite! » Non, je concède. Et on va commencer tout de suite en musique avec c'est un merveilleux concept avec deux chansons qu'on... Oui, les deux dans deux ordres différents dans le métal, mais métal quand même. Alors, Obsolete Mankind et Goulinatics, les deux ont fait des chansons avec engrenage, un au singulier, l'autre au pluriel. Mais surtout, c'est un beau lien peut-être avec Trainspotting et la notion d'addiction, les drogues. Et je trouvais aussi qu'Obsolete, mon Dieu, ce matin, j'en écoutais pour me réveiller. Fait que peut-être que pour vous, peut-être que tu es en train de te lever à 2h30 de l'après-midi, puis ça va te faire du bien, ça va rentrer au poste. Vous écoutez, c'est ISM. Let's Entendre Engrenage d'Obsolete Mankind et vous avez aussi entendu Engrenage du Réentendu, mais c'est pas partout la même chanson, c'est juste le même titre, des Goulunatics. La chanson se retrouve sur leur album Cryogénie. Vous écoutez Critique de Crowd. J'ai déjà commencé à vous en détailler en début d'émission. Ben oui, Trainspotting au Théâtre Prospero. Trainspotting, vous connaissez probablement le film. Vous avez, j'espère, lu le roman qui est tout aussi excellent. Voilà la version adaptée pour le théâtre. Le texte avait été refait par Wajdi Mouamad il y a plusieurs années. Et c'est un drôle de mélange pour ceux qui connaissent plus ou moins Trainspotting. Oui, ça parle beaucoup d'Écosse. Ça parle d'une bande d'amis héroïnomanes qui essayent de s'en sortir. Et il y a aussi un gros deal de drogue à la fin du film. Et le personnage principal, Mark Renton, décide de s'enfuir avec tout. Lui, c'est, il a abandonné ses amis pour le deal. Et justement, cet aspect-là de l'histoire n'est pas du tout présente dans la pièce de théâtre. Quand on dit le mot « adaptation », ça l'est. Il faut accepter qu'il y a des personnages qui fusionnent, d'autres qui disparaissent, d'autres sont vraiment plus mis en valeur, comme le personnage de Tommy. Ben ouais, on dirait que mon cerveau, il a fait « OK, ça va se passer de même ». Parce qu'au final, l'adaptation est remarquable, ça crée un tout, ça va... un peu ailleurs, on se concentre plus peut-être sur le mal de vivre, tandis que c'est un peu moins présent dans les autres versions, romans et cinéma. Mais bref, peut-être que c'est une question de comment aborder le tout. Revenons à la crowd. Ce qui était bien particulier de la pièce, de son public, mais qu'on ne pouvait pas le savoir, on pouvait pas le voir, mais en le sachant sur Internet, j'ai trouvé que c'était une fort jolie idée. Il y avait une campagne de sociofinancement afin que des gens avec des problèmes de toxicomanie puissent assister à la pièce. Alors, c'est un peu inspiré. Je sais pas, à vrai dire, je dis « je pense », mais c'est plutôt pour vous relater l'histoire de Sébastien Delorme qui, lui, en 2013... avait vu Trainspotting à cette version de Québec et il a dit lui-même, il a arrêté de consommer le soir même après le show. Ça a carrément changé sa vie. Alors, c'était un peu dans le même objectif, je pense, la campagne de sociofinancement et aussi pour pouvoir toucher le public qui est sur scène parce que c'est leur histoire, c'est tout à fait réaliste le propos, comment il est exploité sur scène et pas juste amené des habitués de théâtre à un peu briser cette barrière là un peu ça, un peu tout ça en même temps, c'est grandiose. Alors je trouve que c'est un peu grand, surtout je vais essayer de vous partager le vidéo. Ça avait été un Vice, c'est la fabrique culturelle où Sébastien Delorme parle de son histoire et comment il a continué à faire de la musique par la suite parce qu'il avait un grand sentiment de création en lui, mais justement à consommer, il pouvait pas tant continuer. Et c'est un très, très, très bel exemple de comment l'art peut changer notre vie, pas juste symboliquement ou pas juste ça fait partie de mon quotidien, j'aime ça. Non, c'est comme la pièce a changé tout pour lui. C'est fou. C'est complètement fou. Et j'espère que ça a eu le même effet sur des gens dans la crowd à Montréal. Et sinon, écoute, mais dans le public, je suis arrivée à l'avance et c'était dans une salle où les sièges ne sont pas assignés. Alors non, tu n'es pas dans la rangée A12, alors tu n'es pas comme dans un chiffre de bingo. Tu arrives freestyle et pas trop en retard. Et ça, c'est bien la place où j'arrive au moins 15 minutes à l'avance parce que je suis pas de chance. Pour moi qui est tout le temps en retard à la musique, puis je suis toujours bien trop à l'avance au théâtre. Puis là, c'était encore mieux parce que j'ai pu me faufiler entre des duos. Ah, le théâtre! Faut toujours y aller en paire de billets. Tu sais, je veux dire, tu y vas à 2, 3, 1 million d'amis. C'est une pièce de théâtre, t'as pas le droit de parler. Pas le droit, c'est un grand mot. Mettons que si tu jases tout un long, t'arranges, je vais te le dire un petit peu pépère. Mais je veux dire, tu check le show, tu check. T'as pas besoin comme de divertissement social, là, je veux dire. À part, tu veux de la chaleur humaine, mais en même temps, t'es comme à ton siège. Il y a un accoudoir qui te sépare de ton ami. Je veux dire, qu'est-ce que... Non! OK, il y a quelque chose qui me choque là-dedans, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de... Oh, c'est juste les entraques, c'est long. Puis avant le show, oui, c'est long, mais en tant que tel, ta sociabilité va se faire avant, pas pendant, après. Ceci étant dit, j'avais comme raison. Je me suis faufilée en deux duos et j'ai pu être à la deuxième ou troisième rangée, vraiment proche de la scène, des décors et des comédiens. Tout était vraiment à l'avant-scène. C'était assez marquant parce que même au parterre, il y avait les rails de chemin de fer. Tu pouvais pogner une débarque. Ah oui, il y en a pas mal. Il y en a plusieurs compagnies des débarques. Pas bêché, là. Juste comme, étant donné que c'est des estrades au Théâtre Prospero, c'est un peu facile d'avoir la tête en l'air et pas de checker à terre. Je me sentais plus comme dans un caméra caché. Puis je fais comme, oh, il s'est un peu accroché, c'est rigolo. Mais personne s'est fait mal, puis on le souhaite quand même. On veut pas que quelqu'un se blesse pour aller au théâtre, qu'est-ce que c'est ça? Alors, sur moi qui choque contre la sociabilité, peut-être que j'ai eu ma vengeance personnelle en voyant tous ces duos séparés. Non, je souhaite pas ton malheur, crowd. C'est juste que, en tout cas, je reviendrai pas sur le sujet. Bref, il y a eu des couples de séparés parce que fallait pas être en retard, fallait être à l'avance si tu voulais y pogner les cuisses ou juste pouvoir être proche puis être heureux. Fait que, il y en a eu quand même quelques-uns, étant donné que c'était salle comble, il y avait pas de compromis. Et non. Que de séparation momentanée. Sinon, quand j'ai parlé de proximité avec, oui, les comédiens, oui, le décor, même durant la pièce, je trouvais que ça avait quelque chose... bon, ça restait un peu anecdotique, mais quand même marquant. Avec les rocs de chemin de fer, les personnages vont se promener dessus, marcher, fêter. Justement, ils renversent de la bière. Quand ils ouvrent leur canette, là, ça piche vraiment fort, là, ça revolait sur du monde. À un moment donné, les personnages, ils nourrissent un écureuil. Là, il y a des miettes qui sont arrivées clairement sur les pieds des gens les plus près, autant que quand ils renversent une poubelle. Je me suis dit que pour tous ceux qui étaient dans la première rangée, ils devaient avoir quelque chose d'immersif avec le contenu de la pièce et la pièce en tant que telle. Et je trouvais ça encore plus beau parce que, étant donné tout le réalisme, propos le réalisme du jeu des comédiens, c'est vraiment largement foutisme qui se transmettait aussi de cette façon-là dans l'acting, parce que, voyons, envoyer des miettes sur le monde en avant, oui, le comédien en est conscient, mais il s'en fout, et son personnage, ben, il n'existe pas parce qu'il n'est pas au théâtre, le personnage, il est dans sa réalité à lui, et nécessairement, je pense qu'il s'en serait autant foutu de créer, d'envoyer des petites miettes à un faux écureuil que ça revole sur du public. J'ai trouvé ça quand même ouais, drôle et intéressant comment le contenant et le contenu allaient tout ensemble. Question publique, ça va être relativement calme. C'est pas mal ce qu'on souhaite hein, pour une pièce de théâtre. Faut un peu se l'admettre, à moins qu'il y aurait pu avoir des réactions très très fortes ou très spontanées. Je vous dirais que c'est un peu plus au début. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire de Trainspotting, il y a une scène où, je pense que c'est Spud, puis c'est même plus lui, c'est Marc qui va l'interpréter au tout début de la pièce, quand il a tous les malaises possibles, imaginables. il évacue de tous ses orifices de son corps dans le lit d'une copine, une fréquentation. Puis là, il veut laver les draps chez lui parce qu'il est trop gêné. Finalement, la belle-mère les prend, puis ça éclabousse partout dans la cuisine. Bien, je vous dirais que ça, c'était quand même une réaction forte parce que c'était la première scène. Oui, il y a quelque chose de, disons, peu ragoûtant. Alors, ça crée son effet, mais ça donne vraiment le ton pour le reste de la pièce. Alors, justement, tout ce qui avait aspect avec la vulgarité, ah, c'est cru. Mais on passe par-dessus. S'il fallait qu'il y ait des gens qui soient gênés sur cet aspect-là, là. Mais il y a comme cette barrière-là qui est franchie parce que dès le début, c'est très direct et c'est la même chose pour la scène de la toilette. Je crois que c'est une des scènes les plus marquantes dans le film parce qu'elle est aussi extrêmement poétique. Dans le film, il nage dans l'eau pour aller chercher sa drogue en suppositoire, tandis que là, ouais, elle est complètement crade et dégueulasse. Encore une fois, il fait voler de l'eau un peu partout. Je sais pas si les premières... Mais moi, je dis première rangée, mais c'est la première rangée qui était vraiment la plus ciblée. Moi, j'étais assez immunisée à ma 2e, 3e, là, c'était tranquille. Mais ouais, là, ça... encore une fois, ça pouvait créer son effet. Alors, des rires, mais jamais des trucs exagérés. Même que les rires les plus exagérés étaient ceux des comédiens qui étaient à cartoonesque. Là. Leur rire, c'était de toute beauté. C'était des rires un peu idiots, là. Il y avait là tout des personnages qui ressemblent à des personnages, oui, clairement, mais vraiment comme des bonhommes animés. Et sinon, l'autre seul rire qui se démarquait dans la foule, ben, c'était le mien. Ouais, mais écoute, il y avait des moments drôles, fait que je riais comme d'habitude. Mais c'était vraiment rien comparé au personnage, fait que c'était parfait. Sinon, je peux pas tant vous élaborer sur la mise en scène ou les décors, parce que je trouve que c'est un peu dur de autant le résumer. C'était quand même assez simple, des portes, des barreaux. Hey, tu vois, je le dis tout croche. Là. Bref, je vais vous envoyer une vidéo sur le Facebook de Critique de Crowd. Je pense que ça va être vraiment plus efficace. Une image vaut 1000 mots. Ah, la radio, je t'aime beaucoup, mais cette fois-ci, là, ça va être vrai. Quelques images vont valoir mieux que ma description. Et ce que moi j'ai aimé le plus du public, c'est drôle, je crois que c'est dû aux avertissements au début préenregistrés qui disent que la pièce va durer 1h30, qu'il n'y a pas d'entracte. C'est niaiseux, mais je crois qu'en sachant cette information-là, il y a eu une modification dans la foule. Il y a eu au moins 3 longs blacks sur scène et d'une telle noirceur et aussi longtemps, là, pas un court black, vraiment 5 secondes bien bien soutenues. Là. Ça peut être quand même long. Là. Ce silence-là. Oui, ce silence-là. Et j'ai bien apprécié. Il y a beaucoup d'automatisme au théâtre et ça, je trouve ça même agaçant. Autant, tu le fais juste parce que c'est une convention, mais ça devient lourd à un moment donné. Ah, il y a un noir, on applaudit, ça doit être l'entrée. On applaudit parce que intermède. Non, on peut laisser vivre la pièce. On peut juste être à l'écoute. C'est bien parfait comme ça. Et tous les blacks qu'il y a eu étaient silencieux, même à la toute fin de la pièce. Peut-être des fois, c'est un peu comme, je ne prendrai pas de chance, je vais attendre un peu. Mais quand ça a été la fin, oui, il y a eu un silence et ça applaudit, même durant le noir, avant que les comédiens fassent leur salut. Mais j'ai trouvé ça beau, cette compréhension-là de l'histoire et du spectacle et de ne pas être justement dans ces habitudes de crowd que je trouve agaçantes. Ouais, parce que c'est purement automatique. Je pourrais pas mettre d'autres mots. C'est exactement ça. Et en même temps, c'est la même chose pour le Standing Ovation. Je trouve que c'est rendu hyper commun d'aller voir une pièce de théâtre puis de se sentir quasiment obligé de se lever. Si t'as pas tant aimé, t'es pas obligé non plus. Même si c'est plus rapide de pogner ton manteau, c'est un peu plate à dire. Tandis que là, ouais, les gens, il y en a, là, ils se sont rebondis, leurs genoux, boum! C'était efficace parce que oui, c'était une excellente pièce. Je suis très heureuse d'y être allée. C'était un excellent moment et ça m'a rappelé la beauté du théâtre, des choses simples et efficaces. Raconter une histoire, des fois, ça prend pas comme... Oui, des beaux décors, mais ça prend pas choses incroyables, puis du feu, puis des jongleurs. Non. C'était efficace, imaginatif, beau. Beau. Et je vais vous laisser avec un train du groupe Les Séquelles. Ouais, c'était pas mal mon lien avec Trainspotting. Fait qu'on écoute ça. Notre moment d'assez de gueule et sa fumée déchire le noir. Il me reste encore un espoir. Je sais que je vais te revoir. Le train d'enfer hurle sa joie. Passe les fleuves, les villes, les bois. Et je suis seul dans ce fracas. À m'endormir ivre. J'ai beau leur parler, ils m'évincent. Ils n'ont pas vu de fille mal. We'll be right back. Et tant pis si ça vous déplaît. Mais non, c'est tout le temps bon, mais c'est le titre de l'album Les Séquelles. Vous avez entendu la chanson Un train. Après les publicités, vous allez entendre plein de distorsions. C'est surtout la première édition de ce festival qui avait lieu à l'ESCO, mais particulièrement au Matari Loft, où j'ai pu voir Technical Kidman, Atsuko, Shiba et Hidalg et plein d'autres. Je te reviens là-dessus. À tout de suite. La 17e édition de MUTEC se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Maker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicales et audiovisuelles au Musée d'art contemporain de Montréal, deux soirées club au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. 5 jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Billets et infos sur mutec.org. Salut, c'est Choice de Red Mass et Pipi. Vous écoutez CISM 89.3 et un joyeux 25e anniversaire à CISM. Edward Sharp and the Magnetic Zeros. De retour à Montréal en spectacle. La formation s'arrêtera le 15 juillet à la plaine des Jeux du Parc Jean-Drapeau dans le cadre de leur tournée Persona. Le nouvel album Persona est en vente dès maintenant. Billets en vente maintenant au 1-855-310-2525 ou evenco.ca. Pour plus d'infos, visitez edwardsharpandthemagneticzeros.com. Le Poudzafest vous invite à sa 6e édition qui aura lieu les 20, 21 et 22 mai au parterre du quartier des spectacles et dans plusieurs salles du centre-ville de Montréal. Au menu, Less Than Jack, Sick of It All, The Slim Cat Friends, The Planet Smashers, Les Breastfeeders, Big D and the Kids Table, Belvedere, The Flashstones et des centaines d'autres. Activités extérieures, yoga, jeux pour enfants, bouffe, jardin et bière en plein centre-ville de Montréal. Pour connaître l'horaire complet et pour acheter vos passes, visitez lepoudzafest.com. Une présentation de Bose, C'est le Jerry et le Trou du Diable. Pour sa 10e édition du 30 mai au 8 juin, le OFTA présente une programmation des plus audacieuses. Profitez des 10 jours d'art vivant où vous pourrez découvrir 21 spectacles, dont ceux de la scène contemporaine autochtone. Pour fêter cet anniversaire, chaque soir à 18h au Jardin Gamelin, l'événement Décalogue d'une carte blanche à un artiste ayant marqué le festival. Venez découvrir les richesses de la scène émergente de Montréal et fêtez avec nous 10 ans de découvertes artistiques. Pour tout savoir sur cette 10e édition et découvrir la passe OFF illimitée, visitez-nous sur Facebook ou sur OFTA.com. Mike Snow, en spectacle au Métropolis de Montréal, le 30 mai. Ne manquez pas le trio Indie Pop à Montréal entre leurs performances au Festival de Coachella et Governor's Ball. Les billets sont en vente maintenant à la billetterie du Métropolis au 1-855-790-1245 ou via evenco.ca. Le nouvel album E est disponible maintenant, mettant en vedette le grand succès Gangsta's Can. Mike Snow, Métropolis, 30 mai, présenté par Greenland et Evenco. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Mes amis, on aime ça. Spogner contre les bandes dans les bars. Moi, mes amis, on aime ça. Robert Fuzzy, Les Chiens Fous. Peut-être que vous avez déjà entendu cette chanson-là sur son premier album. Et oui, moi puis mes amis se retrouvent également sur Mardi Gras à Hochelaga. Vous écoutez toujours Critique de Crowd sur les ondes de CISM. Moi, c'est Jolene. Allô tout le monde. Et Robert Fuzzy, si toi tu veux le voir, bien, il est fort sympathique sur scène et ça se passe au Divan Orange ce soir pour le lancement de ce nouvel album. Et si tu es plus du type Formule 5 à 7, le lendemain, il sera au Quai des Brumes. Et si t'as envie d'entendre François, le chanteur, te jaser ça. Il a fait une merveilleuse entrevue avec Mike de Bol de Gruau cette semaine. Alors, je vous le conseille bien fortement. Et ça sent les suggestions. Ben ouais, fait que ce soir, tu sais déjà ce que tu fais. Vendredi, il y a aussi le lancement de Crab pour l'album Le Temps File à la Sala Rossa. Et sinon, il y a aussi Modérate au Métropolis. Samedi, écoute, sors le sportif en toi parce que il y a le championnat de pole fitness du Québec au Club Soda. Et quand je dis le sportif, peut-être que ton esprit coquin s'est dit « Ah, pole dance! » Non, non, pole fitness, là, ils sont assez... sont athlétiques, c'est incroyable. C'est des athlètes et en même temps, c'est beau, c'est de la danse, le mot le dit. Mais là, c'est fitness. Là, tu vois, je viens de mélanger tout ça. En même temps, je viens de mélanger tout le monde, je m'excuse. Non, mais reste que c'est artistique, je trouve ça vraiment beau. Mais moi, ma réaction en tant que crowd, c'est tout le temps de crier en faisant comme « Mais voyons donc, comment ils font ça? » J'hallucine toujours. Ils soutiennent tout leur corps avec le creux de leurs genoux. Ça me fait capoter. Alors, je serais quand même curieuse de savoir si au championnat de pole fitness, le monde crie comme moi, tellement ils sont impressionnés. À suivre. Dimanche, Carl-Éric Hudon va nous faire un merveilleux 5 à 7 des plugs avec Nicolas Huard. Ça se passe. Ben ouais, qu'il y a des brumes, 5 à 7 des plugs, pas ailleurs que ça se passe. Lundi, Deptron avec Deadbringer et Black Knox. Ça se passe aux Catacombes. Mardi, pour son 75e anniversaire, on le souligne par un spectacle hommage, Bob Dylan. Alors, spectacle hommage au Club Soda. Et finalement, mercredi, Magrude... Hey boy, je viens tout de le rater. Non, c'est clair, je ne dis pas comme vous. C'est Magruder Grind. Moi, je savais que ça allait être mon genre et ça m'a piqué la curiosité parce qu'il y avait le mot grind. Fait que Magruder Grind avec Anna et Oja et ça se passe à Vitrola. Ben ouais, c'est ça te rentre dedans pis c'est bien sympathique, mais demande-moi plus jamais de le redire en onde. Alors après toutes ces merveilleuses suggestions, on va écouter de la musique, celle qui se retrouve sur le palmarès francophone de CISM. On y va tout en rap, en hip-hop pour cette semaine. Alors Monkey avec la chanson Flow Voleur avec Qu'est-ce que c'est ça? C'est en 15e position du palmarès et nous allons aussi entendre Lord Larry Adjust, 20e position. C'est une nouvelle chanson réservée, s'il vous plaît. Et ça se passe sur Ondulé. On écoute tout ça en même temps. Ça va être bien le fun. À tout de suite. Which motherfucker stole my flow? Moi, noir et puis je me chow by yo. Pitch, j'ai dans mes honorailles, you know. T'entends juste quelques snippets, t'en veux more? No. Qui a plongé dans le plagiat, please, te plaît, déplogue la plug, tu bug, ton boss de blog est une blague au bled. On est bleed, oublie le battle, bunny est blind, j'blaque à le boy qui bite, un mec connaître, ça doit te recognize. Un swank, un ring, un thing, un brick drop, et surtout des bangers, faut que ça va, si tu brosses rien, c'est pas bien max, c'est chanté à bingo, squash le channel, pas convaincre, en rap, en jupe sur le make-up, aucun autre jour a autant au ballon qu'un banger. C'est qu'il m'a fuck, qui passe le pattern, les murs restent pas, les pieds drôles et propres, sur Cavendish, what's happening, boss, tu vois, j'ai mes bottes, puis pas à peu près, c'est pas un devoir à remettre, waiter ou le waterman, whatever. Hall of Famer, all of ton boy en moins, tu sors le G, sors le vin, vieux comme monk, sors le banger. Cache-toi dans ta maison, en petite boule dans tes headphones. Un Mady Middle, Dempsey Ren et Manny Mel de Rich. Which motherfucker stole my flow? Quoi les deals, mais y'a quelqu'un qui a pris mon flow. Mais je sais même pas trop c'est qui, mais faut que je dise. C'est pas mal dope, check it. Dude, dude, dude, man. T'as bite quelqu'un qui a bite quelqu'un d'autre. T'es fou, man. Qui a volé le flow, c'est le DBC, je flash mon faux, faux, je l'ai fini le fond, fond, des filles, les femmes qui flinguent des fleurs, féminine flamme, filine la famille en forme, fireball, phénoménon. Les Max, Martin, Max, Mara, Mastercard, Zara, 4, Cara, Corny, Copycat, camouflage en cinéma, catapulte, casse-corps, c'est cascade de balles, calache, des corps, boom, chacalac, et ricochet, ricochet, croche, rafale, ratatat, un autre patate qui tape à l'os, tes poches, patin, tu patines en salle, fait que tu me passes la botte. Le route est long, ma vie malade, un roller coaster. Oh, perds son temps à qui j'aurais dosé des stacosters. Oh, mon petit Jimmy, il est trop tard pour se grab le Bozak. Trouvez donc pop des Prozac, surtout avec pas les bulldozers. Pas du tout catholique, not at all kosher. Y'a un ange un dégui clé en poche. No love, no love. Which motherfucker stole my flow? Eat me, me, my me, move. Which motherfucker stole my flow? Eat me, me, my me. Which motherfucker stole my flow? C'est le retour du réel gossant qui parle tout le temps. Veut commencer le bar avant que le bar commence. En effet, Gilles, je te ferme pis je paye la tournée. La princesse Touch, lag, deux une tournée, 8 piastres. Mon DJ sur des slip mats, t'as tes deux mains comme un stigmat. Pis si tu crosses mon grisave, ton ass saute des étapes. J'suis le flies du K6 depuis que j'vais le full du K6. Pis j'suis le plus beau du K6 depuis que j'm'entraîne avec gros bichin. Bitch, mon flow est bien, j'étais comme un gros raisin. Faut pas si le feu, c'est trop long, manque de la mode, c'est pas. Baudin, David, real is non fake shit. Brunkel, Chris, laisse moi que comme Saisy. Pas le temps de niaiser. Chillionaire, light, cake, Chris, le high K6. Tu sais où je reste, doigt de. Fight le flow, tout le monde, je les vois, pis c'est du copy-colly. Ah ouais, donc, les petits volets, pis les maudits crottés. Matin, mona, money, Maurice, ah ouais, toute la gang. Toute la gang, j'ai dit toute la gueule. Motherfucker stole my flow. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Tu rêvais d'être un baller. Shot caller, le grand luxe. Drop out of college, 10$ l'heure. Le rapper foutu ta vie en l'air. All them bitches want my picture. Mais y'a pas ce qu'on se pitcher, c'est mieux. Tu ferais bien mieux d'être rich. Get it almost rich and famous. Les labels voudraient du beef. Mais tu sais qu'on est cool avec les dead obese. And they know they damn well better be. T'es-tu sûr, sûr que tu veux survivre? Comment c'est dur? Comme le verse de connaisseur sur le corner. T'as vu l'heure qu'il est? Yeah baby, I'm working late. Faut que je travaille pour mon siège à la disque quand les sœurs boulaient. I'm trying to get that James, I'm a money man. Top rappers in the game, still jamais nominé. Hey, is that a real day job? C'est dur à dire comme Loud Larry Age. Just yeah, they talk a lot of. It's all for the. If it ain't about my money, dis-moi qu'est-ce vous marre money. Yeah, I get a lot of. They all give me, jeune fille, t'as pas changé, mais c'est sûr t'allais pas changer. Rippin' lane switching, jamais moi qui show. Yeah, we talking about that shit, all for the show. Fais le portrait, un paint, man, I ain't no joke. Yeah, we talking about that business, getting this dough. Quelque chose dans la tirelle, tirelle sur nous autres. Yeah, we talking about that shit. Yeah, we meant all of it, meant all of it. Still it don't mean shit. Mush, pitties in the crowd when we coming like what? Qu'est-ce que tu vas faire si tu veux que ton rap punk? Qu'est-ce que tu vas faire si tu veux que ça rapporte? Go to 9 to 5, cause you ain't no bad. Va pas le sit down ou just kill him all. Y'en aura pas de comme ça. Few pounds of the Adderall. Double L et plus les big bottles veut dire catastrophe. Tirer les moves du haut du balcon, boy, j'suis acrophone. Rap shows au club soda, we sort them out. Yeah, we did it. Trop de filles à l'entrée du club sort them out. We kill a shit, y'a pas de façon de faire autrement. On est au-delà de l'art, on veut des gros de l'art. 100 on the wrist and 100 to the shot. I beat it, I make that pussy meow. We don't give a damn about the rest of y'all. Tu te fais knock the fuck out, come back y'all. Watch me bust a few moves sur la piste de danse. T'as un crystal bottle, mais j'pisse dedans. Every fucking kid, boy, I'm in the house. Prière à toutes les filles, drop off le dick de loud. We all for the show. Grain gripping, lane switching, jamming, moi qui show. Yeah, we talking about that shit. All for the show. Fais le portrait, un paint, man, I ain't no joke. Yeah, we talking about that business. Getting this dough. Kid shows dans la tirelle. Tirelle sur nous autres. Yeah, we talking about that shit. Yeah, we meant all of it. Meant all of it. Still it don't mean shit. Mush. Pitties in the crowd when we come in like what? Qu'est-ce que tu vas faire si tu veux que ton rap punk? Qu'est-ce que tu vas faire si tu veux que ça rapporte? Go to 9 to 5, cause you ain't no bad. Fella. Lord Larry Edges, Monkey. Alors, pour entendre ces chansons ou tout plein d'autres, ben allez sur le site de CISM, CISM893.ca. Ben oui, sur le palmarès, quand tu cliques, il y a de merveilleux liens de vente. Et aussi, ben tu peux les écouter. C'est fort agréable. Quand je dis écouter, ben, en tout cas, je suis fan de Bandcamp et je trouve que c'est rapide et efficace. Alors voilà, c'était le moment en plug, CISM893.ca. Vous écoutez Critique de Crowd. Et je suis allée au festival Distorsion, c'était la toute première édition. Ouais! C'est comme fêter un nouveau-né! C'est bien agréable et ça se passait du 15... Non, ouais, j'étais à l'envers, du 12 au 15 mai. Et ça se passait principalement au Matari Loft, un peu à l'Esco. Oui, il y avait bien des affaires, barbecue. Je pense qu'il y a eu comme une espèce de marché vintage. Ben écoute, critique de crowd. Ben oui, elle pourrait assister à toutes ces choses parce qu'il y avait des humains, puis il y en avait plusieurs. Ça donne donc une foule. Mais bon, je suis toujours vendue au spectacle. Alors, je suis qu'allée voir que de la musique. Et j'ai commencé ces festivités en allant voir Power Up First. Je les avais jamais vus en spectacle et je sais que le 13 novembre dernier, ils fêtaient les 10 ans de The Scenario. Alors, on attend du nouveau de Power Up, puis c'est bien le fun. Et pendant ce temps-là, c'était bien agréable de les voir au Matari avec une foule bien dense, je sais pas. Hey, c'est grand le Matari, là. On va commencer par décrire le lieu. Peut-être que ça va aider à voir que je vais avoir aucune relativité sur le nombre de gens qui sont présents. C'est immense. Ça fait pas si longtemps que ça que c'est ouvert. Septembre 2015, ça se peut-tu? Je dis-tu des niaiseries? Mais c'est grand. C'est sur le plateau. C'est proche du Cabaret La Tulipe. C'est quasiment un coin de rue. C'est quasiment des voisins. Et sinon, je vois, c'est pas mal ce qu'ils ont en commun, c'est la musique, parce que autrement, question de configuration de salle, on est complètement ailleurs. Là. C'est au troisième, deuxième étage. C'est immense. Des grands murs qui sont placardés de vieilles portes. Paraît-il que c'est bon pour l'insonorisation? Ah ouais? Fait que bref, plein de vieilles portes de granges pis tout. Et c'est quand même assez épuré. Pas 1000 décorations. Oui, des lumières suspendues. Moi, je suis vraiment vendue. Lampe rouge. Moi, ça me rappelle le Maquisard, qui est maintenant devenu le Satyre. Je l'ai toujours pas visité dans mon Trois-Rivières chéri. Mais reste que je conserve ces merveilleuses lampes rouges dans mon cœur. Alors, toutes les salles qui en ont, ils ont comme un peu un point bonus. Alors, ça fait tamiser. Ouais, t'as misé. Je me suis sentie chez nous tout le long du festival. OK, non, je vais pas juste accuser les lampes, mais aussi les fauteuils. Drôle de configuration, parce qu'il y avait aussi des chaises chaises d'école primaire, là, t'sais, en bois. Ils étaient tous cordés dans le bout. Je te dis, il y a tellement d'espace, là, tu pouvais comme te construire une maison avec toutes les chaises empilées. Ou tu pouvais faire une section chaises assises, mais je sais pas si leur vue était si excellente. Tout comme tout plein de fauteuils, mais on va vraiment laisser le plus d'espace devant la scène pour les gens qui vont être debout. Et c'est grand. Il y a deux grands pôles, si on veut, comme deux poutres de béton qui, c'est drôle, mais délimitaient la foule parce que ça avait relativement la même largeur que la scène. Alors la crowd, s'installait entre cet espace. Ça donnait une dizaine de rangées de spectateurs. Moi, je dis... il devait avoir quoi? Une centaine de gens? Mais le lieu est immense et c'est facile aussi d'être un peu plus à l'écart, jasé. C'est toujours un peu complexe parce que vu que c'est grand puis que, il n'y a pas de mur, tu sais, on entend tout. Et même pour danser, prendre plus d'espace, il y avait une grande possibilité de liberté de mouvement et d'action, je vous dirais, grâce au Matari. Et durant Power, c'était tranquille. Ouais, là, je vous dirais pas de mentir, il se passait rien, c'est des réalités. Mais sinon, le pire, c'est que moi, j'avais commencé la soirée avec de beaux grands garçons. Là, j'étais contente d'être avec eux. Le problème, c'est pas qu'ils sont beaux, le problème, c'est qu'ils sont grands. Là, je me sentais vraiment comme dans une photo de classe au primaire. Je me disais, ah non, je suis la plus petite, faudrait que je sois dans la première rangée à genoux, là, à tenir le gros... c'est pas un carton, là, mais c'était avec des lettres, puis ça marquait le nom de notre école puis notre année, là. Fallait que je sois dans ce rangée-là, fallait que je sois en avant. En arrière, là, on voyait rien. Là, à peine si on devait voir comme le haut de mon front, là, tellement j'étais minuscule. La crowd était en ordre croissant, c'était assez clair. Alors, il a fallu que je me tasse. C'est là que j'ai pu être sur le côté. C'est assez facile, justement. Il y a tellement d'espace que tu peux faire le tour de la foule. Tu peux la regarder de loin. On dirait que tous les angles sont possibles. Bon, il n'y a pas d'escabeau, là. Fait que tu peux pas l'avoir comme à vol d'oiseau, mettons. C'est le seul angle que tu peux pas tant avoir. Mais à être sur le côté, là, j'ai bien vu la foule. Et la distance qu'elle avait avec la scène... 1 mètre? Ouais, à peu près. Au début, je me suis dit que c'était peut-être parce que la scène était basse qui faisait qu'on avait... le public avait pris une distance. Ce qui doit pas être tant vrai. C'était la théorie du moment. Et étant donné qu'il se passait pas grand-chose, à part le gars, le photographe, qui prenait des photos. Un petit bonhomme, justement, lui, il était le petit de la classe. J'avais vraiment envie de m'asseoir avec lui, mais je me suis gardé une petite gêne vu que j'aurais été toute seule. Ouais, des fois, ça m'arrive d'être gênée et d'avoir de la retenue. Parce que surtout, le fauteuil me faisait de l'œil. Et c'est dans un angle assez inhabituel. À part d'être backstage, c'est rare que tu peux voir le spectacle de côté, mais vraiment de côté, là, de voir les musiciens dans l'angle impossible pour le public qui va être devant. Alors, je me suis écrasée, je me suis mis en petit bonhomme. Oui, j'étais comme dans un petit cocon, j'étais bien douillet et j'ai pu voir Papa Up, voyons, Power Up First. Tranquillement. Doucement, comme ça, juste aller regarder dans un angle moins commun pour critique de crowd, parce que non, je suis pas très backstage, je préfère être parmi la foule. Alors j'ai apprécié justement c'est la possibilité de nos angles en tant que spectateur. C'est très, très varié au Matari. Alors déjà, ouais, il y avait quelque chose que j'appréciais, même si dans la foule, ben c'est ça, c'était tranquille. Mais c'était tranquille, puis j'ai trouvé les bons côtés du tranquille. Hey! Tranquille, tranquille, on va arrêter tout ça, puis on va écouter la merveilleuse musique. Je garde ça real! Ça, c'est une chanson qui est avec Seba de Gatineau, mais dans des nouveaux projets, mais dans le temps, c'était avec Gatineau. Power Up First, c'est leur chanson qui se retrouve sur l'album Introducing New Details. Voyons! Piton! Ouais, désolé, crowd, je vais y arriver. Tout de suite! Go! Hey yo, ça l'air que pour certains, j'suis pas un vrai rapper. J'suis pas assez ci, j'suis pas assez ça, j'fais pas assez peur. J'ai un côté de moi qui s'apparente plus un rocker qu'à n'importe quel autre microphone controller. À côté plus pis de long, j'se sorte d'extra. T'es un hyperactif MC. La famille, tu es moi, paria du rap. Devant moi, des murs de préjugés sans cesse se dressent. J'ai pas le look, j'suis pas assez mal de bois. J'prends pas la mémoire de cette soirée-là. Ben non, j'porte pas de pyjama pis de crest en fer dans le trou. Mais quand j'pogne le match, j'suis capable d'assonner des coups. J'suis différent, j'laisse personne indifférent. J'vois que top, c'était effrayant. J'fais mes pop effarants. Live, personne conteste mon talent. Après l'avènement, mais les habitués sont dépassés par les événements. J'fais ça ma façon. J'fais la veille école, j'ai pas besoin de leçon. Sauvé un de cette ronde comme initial. J'garde ça réel. Quand j'rappe et quand j'parle, j'keep it real. J'fais ça ma façon. J'fais la veille école, j'ai pas besoin de leçon. Sauvé un de cette ronde comme initial. J'garde ça réel. Quand j'rappe et quand j'parle. Parce que j'arrive avec des références comme n'est pas grand monde. Que j'parle de sujets qu'on n'aborde pas souvent ces ondes. De la misère à être compris, pis les théories que je démonte. Pour moi, c'est mon vrai côté. C'est ma vraie face que je cache, m'inspire de moi. Pas de ce que je vois à gauche, je parle de ce que je connais. Pas de ce que j'ai inventé. Jamais tué personne, jamais fait d'autres bœufs. Mais pour que c'est fait que je parlerai de ça dans mon hip-hop. Yeah, c'est bien simple, mon emblème, c'est moi-même. En un mot, je suis pas un fake cul, je suis pas de game. Parle de où est-ce que c'est que je m'en vais. Tu sais que je viens, je parle sur tous ces mots. Yeah, je parle aussi des miens. Yeah. De toute façon, j'ai pas assez d'imagination pour m'inventer. Chansons, je reste avec les 24-24 sur mes émotions. Ce que je suis, j'aime pas si vite comme les grilles sur micro-sion. Je fais ça ma façon. J'ai la veille école, j'ai pas besoin de leçons. Sauvé un de cette ronde comme initial. Garde ça réel. Quand je rappe et quand je parle, je keep it real. Je fais ça ma façon. Je fais la veille école, j'ai pas besoin de leçons. Sauvé un de cette ronde comme initial. Garde ça réel. Quand je rappe et quand je parle. Si tu joues cliché du rap juste pour rentrer dans le game, au moins de rester fidèle à ce qu'on est vraiment dans soi-même. Moi j'essaie juste de pas me trahir dans ce que je vais écrire, de poser des gestes conséquents sans me contredire. Shit, mais c'est rendu que je me sens obligé de me justifier. Si que je rappe, c'est vrai, tu devrais te justifier. Je fais ça ma façon, je fais la réveillé coche, pas besoin de leçon. Tu s'envoles, c'est toi comme une siège. J'ai l'air surréal quand je rappe et quand je parle. J'ai dit, je garde ça real. Real! Mais non, c'était réel. Je garde ça réel. Power Up First avec Seba de Gatineau. Introducing New Details. Et il y avait aussi un spectacle ce soir-là, tout de suite après. Atsuko Chiba, que je ne connaissais pas du tout, mais du tout. Et quelle découverte! J'ai pogné ma pof! J'ai vraiment capoté. J'ai capoté un peu sur sa foule. Comme je vous ai mentionné, je sais pas à quel point j'ai de jaja. Déjà, je me demande toujours à quel point j'ai de jaja comme « Ah, la crowd était bien énervée! » Là, des fois, on est comme quatre à être fous, là, puis je mets ça bien, bien gros parce que ça prend la forme d'un mosh pit, d'un trash. T'sais, comme c'est jamais la majorité du public, mais il y a une activité qui est sociale et qui a une interaction avec les participants. Tandis que là, c'était complètement l'inverse. Et ce sera la même chose. Je sais pas si c'est la musique psychédélique, parce que oui, Distorsion, je l'ai-tu assez mentionné, parce que je te le spécifie, crowd, Distorsion, c'est des thématiques psychédéliques dans toutes ses formes musicales. Ben, c'est ça. Ça donne une foule relativement individuel, je voudrais pas dire individualiste, là, mais ouais, un peu pour soi, un peu ouais. Il y avait pas des grands mouvements de foule pour Power, comme je disais. Les gens pliaient un peu des genoux, peut-être qu'il y avait des petits hochements de tête, mais plus proche comme de l'approbation que du headbang, mettons. Ouais, des petits ok, mais avec la tête, mais des ok de bonne humeur et heureux. Mais ouais, ça reste simple, ça reste un peu, ben pas limité, là, mais c'est simple comme action dans la foule. Mais durant Atsuko, il y en a au moins deux qui sont virés sur le top, là. Ils capotaient leur vie, là. C'était malade. Ils étaient... Moi, j'ai adoré les regarder. Les voir était un spectacle en soi, mais ils étaient seuls dans leur démarche. Des fois, il y en avait un qui s'arrêtait pour être avec ses amis un peu, mais pas tant dans l'énervement ou pour danser ou quoi que ce soit. Juste comme avoir une espèce de « Hey, on trippe parce que c'est tellement malade, ce groupe-là. » Mais autrement, dans ses mouvements, accrochés sur l'ampli, Il était... Ah bon, on dirait que je sais même plus par où partir tellement il faisait plein de mouvements frénétiques. Ça avait quelque chose de convulsif, mais ça a l'air pas positif. Ça a l'air négatif un peu comme terme, là. C'est pas qu'il battrait, c'est juste que c'était très organique et désorganisé. C'était brouillon comme mouvement, et j'ai un... Ah, c'est drôle comparatif, parce que musicalement, oui, il y a des petits bouts où les musiciens font un peu du rap, mais ça me rappelait étrangement Rage Against the Machine, parce que non, je les ai jamais vus en spectacle, mais mets une de leurs chansons n'importe où, dans un party, dans le char, le monde vers sur le top, là, t'as envie de justement descendre les fenêtres de ton char, puis sortir la tête, puis crier comme un malade, ou sur une piste de danse, ben écoute, la piste de danse devient une piste de mosh pit, tu sais, le monde vire fou, mais j'ai trouvé que ça avait un peu cette atmosphère-là, mais en gardant énormément l'individualité des gens. Il y avait sentir qu'il n'y avait pas de partage. Simplement, ça se passait pour soi. Et je pense que c'est le truc qui m'a le plus déstabilisé de Distorsion. On dirait que je suis pas habituée à ça, que les gens échangent pas à ce point-là, mais le vivent entièrement, sans regard des autres, sans souci parfois des autres. Des fois, t'es comme... Mais il semble qu'il est dans sa bulle, tu sais. Il accroche pas le monde, mais il est juste limite. C'est un peu tout ça en même temps. Mais ils sont pas hyper nombreux. Moi, j'ai noté deux extravertis, mais ouais, quelques gens qui pouvaient un peu plus danser, là, mais disons deux plus intenses sur une centaine. On pourrait dire que c'est pas beaucoup, mais ils étaient très remarqué et remarquable. Mais par contre, le seul moment, disons, où j'ai eu interaction avec le public, je sais pas trop, la fille avait l'air un peu perdue et je sais pas pourquoi, elle m'a prise par l'épaule, elle m'a regardée puis elle m'a dit « Ça va bien aller. » Là, je me suis dit, toi, ça va bien aller. Mais ouais, c'est, après ça, on s'est pas reparlé, on s'est revus, mais c'est limité à ça. Je sais pas comment le prendre, je sais pas de quoi j'avais l'air. On va pouvoir parler de ce qu'avaient bien l'air les gens. Mathieu Aubre était là, alors on va se jaser un petit peu du festival, voir sa perspective à lui, mais on va écouter un extrait de Atsuko Chiba. Je vous suggère vraiment d'écouter les albums au complet et des chansons. Il y en a une sur un de leurs albums, dure 23 minutes, alors j'aurais bien voulu vous la passer, mais ça a l'air que je jase trop. Alors voilà, on écoute un petit bout. Allô, Mathieu! Salut, salut! Alors, Mathieu Aubre de Dissonance, et tu étais aussi à Distorsion. Ça fait beaucoup de dés, tout ça. Ça fait beaucoup de 10. Alors, tes impressions générales sur l'événement? Toi, t'es allé combien de jours sur les quatre? J'étais allé juste une journée. Je pensais y aller deux jours au début. Je suis allé le samedi, puis je pensais retourner le dimanche, mais finalement, j'ai eu un petit empêchement. Fait que malheureusement, pas de barbecue à l'ESCO pour moi. Et là là. Et là là, ce fut plutôt... on s'est croisés d'ailleurs la soirée du samedi gros au samedi. Matari. Gros samedi occupé quand même. Ça a fini... Avec Hidalgue. Ça, oui, et la police aussi. Hé, hey, mon Dieu! Hey, j'ai manqué ça! Tu l'as pas entendu, ça? Hey, mais non. En plein milieu de la performance, il y a l'organisateur de l'événement qui est démarqué, qui a fait comme « Excusez tout le monde, on arrête le set. » Il y a la police qui est venue nous dire d'arrêter de faire du son, fait qu'on va mettre le DJ moins fort. Ah ouais, non mais ouais. Ça c'était Durand Hidalgue. Ouais, c'était Durand Hidalgue. OK, ben j'avoue que je suis partie prendre l'autobus, mais il était rendu déjà 1h30 du matin. Ouais, c'était peut-être un 15 minutes après genre. Ah wow. Il leur restait encore des tonnes sur cette liste là, fait qu'ils sont juste partis de la scène puis ouais, merci, ça a bonsoir. Fait comme ben excusez, bye, puis le DJ est embarqué, mais ouais, c'était un peu brusque comme fin de show quand même. Ah ben c'est drôle parce que justement j'en ai parlé avec un des organisateurs parce que je me posais des questions, oui, sur l'isolation du Matari. Okay. On les entendait de vraiment loin sur la rue, mais tous les problèmes, disons, bar, salle de spectacle du Mont-Royal, le plateau a bien de la misère. Ben non seulement ça, mais je trouvais que le système de son, il blastait quand même beaucoup pour vrai. Là. Pour que j'aille mal à la tête dans un show, faut que ça sonne quand même assez fort. Genre. Mon Dieu, t'es sensible. Ben, d'habitude, je me tiens ces barres de speaker quand même, là. Ouais, ben je sais pas parce que... Ah, ben c'est... Ouais, non, j'ai mis des bouchons, fait je peux pas parler de ma situation. Ouais. Mais il y avait quand même un gars qui s'est tenu toute la soirée, jeudi soir, sur le bord de l'ampli, puis ça avait pas l'air d'y faire un pli, cette différence. Bon, c'était peut-être juste moi qui avait trop bu et qui avait perdu... ma résistance naturelle. va savoir les consommations de tous et chacun. Justement, la foule, tu l'as trouvé comment? Assez disparate, je dirais. Autant t'avais du monde très, très sur diverses drogues et qui avait l'air de se trouver très bien, autant que d'autres qui avaient l'air peut-être un peu plus calme. Ça a donné, surtout pendant Hidalgue, en avant, t'avais du monde qui dansait puis d'autres pas pantoute. Fait que c'est un peu weird comme ambiance. Là. Ça, c'est ce que j'ai trouvé. Là. Mais non, sinon, je trouve que ça participait quand même assez bien, tu sais, surtout pendant High Dials. Moi, je trippais peut-être un peu moins, j'étais benché ses divans. Mais il y avait quand même pas mal de monde qui semblait danser. Je vais revenir sur le sujet. C'était quand même particulier comme foule. Et on dirait que, tu vois, ça, c'est mon malaise personnel à vouloir parler de foule. Et est-ce qu'ils ont consommé quelque chose pour avoir une certaine réaction? Mais en même temps, il y avait des gens qui pouvaient être euphoriques ou bien énervés. Puis tout de suite après, deux secondes, ils jasaient avec leurs amis vraiment calmement. Fait que tu vois que c'était vraiment quelque chose qu'on pouvait associer à, disons, quelque chose d'externe à soi, toute cette énergie-là, mais que ça n'en était pas du tout le cas. Ou en tout cas, apparemment, lui, il était capable. En tout cas, il avait l'air lucide. Et tes moments marquants, mon Dieu, que j'arrête pas de dire mon Dieu depuis tantôt, Seigneur. Ah, ça arrive. Je devrais animer le dimanche, le jour du Seigneur, comme ça, tout le monde ferait des liens. La rumba, je l'aime. Meilleur enchaînement. Le dimanche, c'est brunch. Ah, c'est vrai, c'est samedi. Non, faut pas que je me mélange. Elkin Polo va être choqué. Il va être choqué, effectivement. Moment marquant, outre peut-être la police, j'ai bien aimé la performance de Phil Consol qui lichait allègrement ses pédales d'effet. Mais il a tout liché, là. Il a tout liché. Tous ses instruments sont passés dans sa bouche au moins une fois. Ou tout objet qui pouvait être proche de la scène. C'était assez impressionnant. Ouais, sa bière aussi. Oui. Je pense qu'il est en train de comme l'avaler, mais au pied de la lettre d'expression, avaler sa bière. Oui, c'est ça, la canette à moitié rentrée dans la bouche. Oui. Puis sinon, Technical Kidman, c'était assez impeccable, comme ils réussissent souvent à le faire. Est-ce que toi, tu les avais vus avant? Moi, c'était la première fois. Je les avais vus, puis même avant qu'ils fassent leur nouveau setup, peut-être un peu plus électro. Avant, ça brassait pas mal plus. C'était pas rare de voir des mosh pits, puis c'était un peu plus gueulé. Mais ça s'est assagi, mettons qu'on pourrait le dire comme ça. Mais j'aime bien que ça sort bien, puis ça donne des résultats assez intéressants, comme ce qu'il y avait eu justement samedi, à part peut-être les basses qui sortaient mal dans le système de son. Mais ça, c'est être un petit peu picky. Ah, le son, le son. D'autres petits détails. On peut juste se dire bye-bye aussi. On peut se dire bye-bye. Shout-out à mon ami qui dormait ses divans pendant I Dials. On peut finir de même. Oh shit, je suis en train d'accrocher le mobilier de CISM. Casse pas tout le mobilier de CISM, là. Ah ouais, bon ben, sur cette violence avant le mobilier, ben on va écouter de la musique. Je vous dis le titre, puis le band, puis tout ça après. À tout de suite, crowd. Peut-être aurez-vous reconnu cet extrait Technical Kidman avec la chanson Voyager, l'album Something Stranger Coming on the Horizon. Ouais, ben il me semble que être à CISM, je sais pas c'est quoi la perception, disons pour ceux qui sont pas animateurs, mais je me rappelle très bien à la sortie de l'album l'année dernière, on en entendait beaucoup parler. Je trouve que vraiment énormément été diffusé à l'époque où il était au palmarès anglo. Alors, toute une attraction auprès du groupe. Et Mathieu a bien mentionné peut-être la différence scénique avec les changements un peu musicaux. Moi, je ne pourrais pas vraiment vous dire parce que je ne l'avais toujours pas vu en spectacle. Encore une fois, je crois que distorsion, disons, quelque chose d'uniforme dans sa foule. Et ça doit bien être représentatif du genre, ce qui prouve aussi bon choix de programmation dans ce sens-là où tout avait une certaine bonne corrélation. Tout fitait, écoute. Fait que oui, la foule, encore une fois, est attentive quand elle est en avant de la scène, elle écoute. Ça a l'air de s'entendre qu'ailleurs, ça jase, mais... Mais oui, il se passe bien dans les affaires, je trouve, autour. Tu sais, t'as le temps de chiller, là, c'est fauteuil, t'as le temps d'aller boire des drinks au loin. Mais étant donné l'offre, tu sais, tout se passe, tout, tu l'entends à un moment donné. Mais tous ceux qui sont devant la scène sont à l'écoute. Et le chanteur est charismatique. Alors oui, on a envie de le regarder faire. Quand je dis regarder faire, c'est que, oui, il est après ses instruments, il chante. Il y avait de l'espace entre la scène et la foule. Alors, il a comblé cet espace par sa présence. Et... c'est drôle, j'ai parlé de comment les gens étaient un peu pour soi dans la foule, mais lui-même, je trouve pas qu'il était dans des grandes interactions avec le public, même s'il avait de la prestance. Mais ouais, il s'en va quand même se déplacer dans la foule sans vraiment aller comme « Ah, dans leur face! » Non, du tout, du tout. On n'est pas là, dans la prestation. Et... OK, ça c'est niaiseux, mais m'a le dire pareil. Moi, je trouve que, oui, il avait tout à fait du charme, mais de la façon qu'il incarne ses chansons et les mimiques qu'il fait avec son visage, il y a quelque chose de très jouissif dans le sens de venir. Ouais, fait que c'est ça que je pense du chanteur de Technical Kidman. Et pour ce qui est de la foule... Non, il n'y a pas que de l'écoute et que moi, il n'y a pas comme un calme plat physiquement, mais il y a une danse que je pourrais pas décrire autrement que de la marche, mais sans les pas. J'espère que tu vas comprendre ma merveilleuse description, crowd. Mais en gros, tu penses au haut de corps quand tu marches ou que tu fais de la marche rapide. Tu sais, une espèce de ouais, tu sais, de shake. Puis une espèce, ouais, il y avait un mouvement de jambe, mais le bas du corps, ça n'avait pas rapport. C'était vraiment une question de haut de corps. C'est une danse que je n'avais jamais vue auparavant. Et je ne sais pas si c'est justement l'espèce de illogisme entre lequel je trouve le mouvement à lequel je l'apparente, celui de la marche, et celui de pas du tout bouger les pieds. Ouais, ça fait un peu court-circuiter mon cerveau. Et en même temps, je trouve que c'était efficace. Ça m'a un peu perturbée, ben ouais. Alors, on va continuer avec Idal. Ils vont suivre en performance. Il va aussi High Dials. Je vais faire un petit résumé. Mais écoute, on va tout de suite écouter du Idal parce que ben, c'est bien le fun. Fait qu'on en profite tout de suite. We'll be right back. Hidalgo sur les ondes de CISM. Cette chanson, La Trancheuse, était aux sessions live. C'est là qu'elle a été enregistrée. Ben oui, on vient un peu dans le passé à la station. Et cette chanson a été compilée grâce à Benoît Poirier. Merci beaucoup de nous l'avoir conservée à tout jamais sur cet album. Alors voilà, vous écoutez toujours Critique de Crowd sur les ondes de CISM en cette critique du festival Distorsion. Et merci encore à Mathieu d'avoir fait son tour à l'émission. Il a mentionné High Dials qui suivait Technical Kidman. Je suis un peu mal. Ça a été, de mon angle à moi, ça n'a pas été un show facile parce que dans la crowd, il y avait quoi, 4-5 personnes qui dansaient justement de loin à sa perspective, à Mathieu. Il y avait l'impression qu'il y avait beaucoup de folie, mais proche, on voyait qu'il y avait énormément d'espace entre les danseurs. Pas d'interaction. Quoi qu'il y en avait deux, c'était des amis, mais tu vois, les deux, ils faisaient leurs affaires. Ils étaient... ils se démenaient. Je pourrais même pas dire danser. Des fois, ils sautent, puis ils font plein de mouvements frénétiques. J'ai plus l'impression. C'est ça qu'ils se démenaient plus qu'ils dansaient. C'est drôle, hein? Reste que... c'est drôle, c'est juste une question d'adon. Il y avait un gars qui ressemblait à un cow-boy à côté de moi. Il était bien tranquille. Il était à côté des danseurs, mais lui, il danse pas. Tu sais, c'est un cow-boy. Après ça, il s'en va. Je suis comme, ah, boy. Là, ça en faisait ça de moins. Là, il y en a d'autres qui partent. Voyons, tout le monde s'en va de ce piste de danse-là. Qu'est-ce que c'est ça? Le cow-boy revient. Il avait juste commandé un breuvage. Je me suis dit, justement, tu sais, tous les déplacements de foule. Mais quand il y a énormément de distance ou un espace, disons, laissé à la piste de danse, on dirait que ça paraît encore plus quand il y a du monde qui s'en va. Tu sais, à la fin, il y avait juste trois. Moi, j'étais là, puis je pense que je me dors du nez, là, quelque chose de même. Tu sais, c'était tranquille, mais j'étais dans l'ambiance. Mais là, tu sais, on dirait qu'il fallait que j'affirme encore plus ma position, tu sais, géographique dans la crowd, parce qu'il n'y avait plus personne autour de moi. Tu sais, j'allais pas juste me tasser en faisant comme « Ah non, je l'assume plus! » J'ai dit « Non, non, je suis présente, je suis là. » Mais il y a beaucoup trop de vide autour de moi! Fait que, ouais, ça m'a rendu un peu triste en tant que spectatrice. Des fois, un peu pas à l'aise. Je suis comme, ah, mais voyons donc, ils sont passés où, tout le monde? Tout le monde, vous êtes où? Tout le monde est peut-être parti s'asseoir ces divans, chose que j'ai faite à l'entracte. Et c'est ça, c'est la magie de prendre des notes. Je prenais des notes sur le divan, puis oui, le fait que j'écrive sur du papier incite parfois les gens à venir me jaser. Mais cette fois-ci, c'était plutôt parce que mon voisin de divan faisait la même chose. J'avais trouvé ça quand même assez cocasse. Lui, il écrivait de la poésie et de ses réflexions. Là, moi, j'ai dit, moi, je critique la foule, fait que je te prends en note. Non, j'y ai pas dit, mais clairement, c'est ça que je faisais dans sa face. Je sais pas s'il va écouter l'émission, mais je te l'apprends, garçon. J'étais en train de te prendre en note. Fait que, ouais, il écrivait de la poésie. Et ensuite, ils se sont ajoutés à nous un groupe de filles qui étaient venues la veille, qui connaissaient pas tant l'endroit. Ils disaient qu'ils venaient du quartier puis qu'ils avaient découvert le Matari. Là, par-dessus tout ça, ils découvraient Distorsion, découvraient les groupes. Là, ils disaient, ah oui, qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Et j'ai trouvé drôle la proximité avec des peu inconnus. Déjà, un divan, tu sais, c'est facile d'être collé, plus que sur des chaises. Et là, qu'elle étend son bras... Ah, ça, c'est un peu... c'est un peu déplacé, mais tu sais, elle gesticule puis elle me pogne un sein. Mais je la connais pas, la fille, je sais même pas son nom. Et je me suis dit, c'est un peu étrange, parce que vu que c'est une fille, on dirait que je suis prête à accepter comme, ah, c'est accidentel, c'est pas grave. Puis si ça avait été un gars, j'aurais été comme, mon Dieu, c'est quoi son problème? J'espère qu'il a pas fait exprès. C'est drôle, notre perception des choses sur une même action. Tu vois, j'étais plus... j'étais plus prête à accepter qu'elle avait pas fait exprès plus que si ça avait été un gars, même si l'intention ou l'accident aurait été le même. Et... ma fameuse fille accidentellement toucheuse, elle s'est bien amusée. Moi, j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup comme elle dans la foule, pas qui taponnait, mais plutôt qui était curieux. Parce que durant Axito plutôt, voyons si on va le dire comme du monde, durant Tsuko, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est quoi le nom du band, puis tu vois, j'étais incapable de le dire. Enfin, j'ai pointé le t-shirt parce qu'il y avait le kiosque à t-shirt juste à côté de moi, puis j'étais comme check le nom, parce que je vais pas te le répéter. Puis la fille de tout à l'heure, elle, durant Hidalgo, qui était comme oh mon Dieu, c'est bien une fun cette musique-là, c'est quoi? J'étais, mais ah, mais c'est Hidalgo! J'ai trouvé ça beau que plus qu'une fois, les gens étaient là vraiment pour découvrir et ouais, dans l'intention aussi de sûrement faire de la recherche, parce que quand tu veux pas retenir le nom du groupe, ben tu le demandes pas, là. Fait que j'en fais cette réflexion. Et Hidalgue, ça fait 3 fois que je les vois en spectacle. Je les avais pas fait la critique parce que je les ai vus aussi à M pour Montréal, mais je les ai vus peut-être 5-10 minutes. Je suis pas restée assez longtemps. Et c'était, somme toute, ouais, tranquille dans la foule. Il se passait pas grand-chose. C'est correct. Ils ont fait aussi la première partie dans les festivités du 25e anniversaire de CISM. Oui, là, j'ai senti un peu plus d'ambiance, mais les gens étaient très, très réceptifs. Cette fois-ci, je trouve qu'il y a comme une espèce de gradation. C'est vraiment ma meilleure fois. Il y avait des gens qui dansaient, mais là, vraiment, on parle de danse. Danser pour soi, mais danser quand même. Et je trouve qu'il y en a la possibilité dans Hidalgue. Il y a de quoi de s'amuser sur cette musique-là. Alors, j'ai appris cette liberté de mouvement-là de tous les gens du public, les plus exubérants, comme ceux qui étaient peut-être un peu plus tranquilles avant la piste de danse. Ouais, je sais pas, moi, entre 5-10 personnes qui dansaient, 10, je me sens généreuse. On n'était pas dans la quantité de danseurs, mais on était dans une certaine qualité. Oui, les mouvements étaient fous. Et c'est ce que je retiens de tout, de distorsion. Peu de gens qui s'énervent, mais qui ont une façon très singulière de le faire. Alors, sur ça, je vais vous laisser avec un mix. C'est le Poudja! Ben oui, t'as dû te dire, voyons, Jolene, elle couvre à chaque année. Elle va nous en parler. C'est cette semaine. Effectivement, je te passe des bennes qui ne seront pas au festival, mais c'est du punk. Alors, garde-toi les oreilles. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine, Crowd. Va liker la page Facebook de Critique de Crowd. Je vous aime de tout mon cœur et je vous dis bye-bye. Bye-bye! coucher au lieu de lever. Il y a des jours de mal, tu serais mieux de rester couché au lieu de lever. En voulant rentrer chez vous, tu te rends compte de pas tes clés. En pensant un peu à porte, tu finis par tout arracher. Un band et tu cherches une bonne place pour performer devant un public de feu, eh bien les lundis de l'industrie à l'Abreuvoir sont parfaits pour toi. Ici Michel Kouta qui t'invite à t'inscrire au info@commercialabreuvoir.ca pour avoir la chance de rocker notre scène. Et en plus, un rabais de 25% sur la bière et l'alcool fort est offert aux clients. Fait que lundi soir, après avoir regardé la 79e saison de l'Auberge du Chien Noir, pointe-toi à l'Abreuvoir pour nos soirées les lundis de l'industrie. Les shows commencent à 22h. Fait qu'on t'attend, la rockstar! L'Abreuvoir, bar et terrasse, 403 rue Ontario Est à Montréal. Dans le cadre du Festival international de musique actuelle de Victoriaville, qui se tient du 19 au 22 mai 2016, CISM est fier de présenter le concert du groupe montréalais de doom metal, Big Brain, qui a récemment fait les premières parties de Sleeve et Sonon. Passage à Victo, ils seront spécialement accompagnés de la violoniste Jessica Marks. Dimanche 22 mai à minuit, venez célébrer la clôture du 32e FIMAR avec nous au concert de Pic. Pour plus d'informations et pour acheter des billets, visitez le www.fimar.qc.ca. En mai, c'est à Victo que ça se passe pour le 32e FIMAR. Le Pouzzafest vous invite à sa 6e édition qui aura lieu les 20, 21 et 22 mai au parterre du quartier des spectacles et dans plusieurs salles du centre-ville de Montréal. Au menu, Less Than Jack, Sick of It All, The Stone Caplins, The Planet Smashers, Les Breastfeeders, Big D and the Kids Table, Belvedere, The Flashstones et des centaines d'autres. Activités extérieures, yoga, jeux pour enfants, bouffe, jardin et bière en plein centre-ville de Montréal. Pour connaître l'horaire complet et pour acheter vos passes, visitez lepouzzafest.com. Une présentation de Bose, c'est le Jerry et le Trou du Diable. 32e Festival international de musique actuelle de Victoriaville se tient du 19 au 22 mai 2016. Au programme, Tanya Tagak with the Element Choir, Fet Nat, Tony Wilson Sextet, John Zorn Bagatelle Marathon, Laniaki, Big Brave et bien plus encore. Soyez des nôtres pour 4 jours de concert, un circuit d'installation sonore dans l'espace public et une exposition d'art visuel. Du 19 au 22 mai 2016, venez à Victo vivre l'expérience du 32e FIMAV. Cette semaine, les promotions Propaganda vous proposent quelques événements à venir. Rendez-vous à l'espace La Fontaine, en plein cœur du parc, du 27 au 29 mai prochain, découvrir le Festival BD de Montréal. Une 60aine d'activités gratuites et plus de 50 exposants. Informez-vous au fbdm-montréal.ca. Rubica, la prestigieuse école internationale d'animation 3D, de jeux vidéo et de design, ouvre un campus à Montréal. Inscriptions et informations sur rubica-edu.ca. Cette capsule a été présentée par Promotion Propaganda, la culture à portée de main. Mike Snow, en spectacle au Métropolis de Montréal, le 30 mai. Ne manquez pas le trio Indie Pop à Montréal, entre leur performance au Festival de Coachella et Governor's Ball. Les billets sont en vente maintenant à la billetterie du Métropolis, au 1-855-790-1245 ou via evenco.ca. Le nouvel album I est disponible maintenant, mettant en vedette le grand succès Gangsta's Can. Mike Snow, Metropolis, 30 mai, présenté par Greenland et Evenco. Edward Sharp and the Magnetic Zeros. De retour à Montréal en spectacle. La formation s'arrêtera le 15 juillet à la plaine des Jeux du Parc Jean-Drapeau dans le cadre de leur tournée Persona. Le nouvel album Persona est en vente dès maintenant.